Difunto. Salón. 89.1. Assemblage Ruki et C'est Fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Ruki. Un autre mythe du rock'n'roll est analysé par Simon Fitzbé dans sa chronique Police Dead. On essaie de faire sortir Mathieu avec la chronique planaire d'Émilie Gauthier. Et il y a une chronique technologique Célix. Et ça commence tout de suite, ça. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Assemblage Ruki, l'émission du retour en pièces détachées avec moi-même Mathieu Plante. Et Kiwan. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Soyez les bienvenus dans notre aquarium. Aujourd'hui, comme à tous les mardis, Mathieu, on va recevoir de la visite. Oui, beaucoup de visites, comme tous les mardis. C'est vraiment rempli. C'est la journée où on a le plus de chroniques. C'est prouvé scientifiquement. Des gens ont fait des recherches là-dessus. C'est prouvé. Donc, Paul is Dead avec Simon Fitzbé qui va nous parler de Aleister Crowley. L'homme énigmatique des sciences occultes. Ah, intéressant quand même. Ça sera à découvrir tout à l'heure dans l'émission. Aussi, Émilie Gauthier va être là pour essayer encore une fois, de façon acharnée, de réussir à faire jouer dehors Mathieu Plante. Moi, je parie qu'elle ne réussira jamais. Ouais, tout tu sais. Hein? Je le sais, d'avance. Mais aussi, il y a des recherches très exhaustives. Elle va nous parler de la réserve faunique Mastigouche, la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre et du parc des chutes de la petite rivière Bostonnais. Bostonnais, moi, ça me rappelle des beignes. Des beignes Boston fourrés, là. C'est bon. C'est very good. On va aussi avoir une collègue technologique CLX qui, one, aujourd'hui, je vais te faire le tour du net, toi. Je t'amène comme un petit chien en laisse, là, autour du net. On va faire une promenade autour du net. C'est ça. Vraiment, là, ça va être tight. Tight. Donc, ça, c'est le plan de l'émission pour aujourd'hui. Évidemment, ça inclut d'autres choses là, qui vont se faufiler à travers cet amalgame. De sujets. Est-ce que j'essaye trop de trouver des bonnes petites expressions cute, là? Un petit peu trop, mais on pourrait simplement dire qu'il va y avoir aussi de la très bonne musique et qu'on va commencer tout de suite en écoutant une pièce de hockey! Oui, on va écouter une pièce de hockey qui est sur le palmarès anglophone. La pièce s'appelle Too Fake à Assemblage Ruki. Sur les ordres de C'est Fou, 89.1. Non, mais Boston... Des fois, il y a du caramel dedans, des fois, ça peut être du chocolat. Je sais pas si, en tout cas, je sais pas si ce qui est bostonné là-dedans. Ça me fait penser à la tuque. Les beignes ou le boston? Nobody's watching, but everybody cares. The Details et Reunion Souvenirs, l'album Draw Distance, Draw Border date de 2007. C'était sur le palmarès anglophone dans le temps, ça c'était très bon. Et avant ça, c'était une pièce qui était sur le palmarès en ce moment même, Too Fake de Hockey. Exactement. Bon, c'est un beau petit bloc ça, très entraînant. Très entraînant pour commencer l'émission, c'est parfait. Hein, les enfants? Les enfants? C'est bizarre cet accent-là, je sais pas, ça vient d'où ça? Pas d'où ça vient, là. Peut-être de la tuque? C'est un callback d'une blague de plus tôt dans l'émission. C'est même un call future. A future call. C'est un appel du futur. Bon, Kiwan, est-ce que tu connais V? Oui, la lettre de l'alphabet? Ouais, c'est ça. Je voulais t'en parler en long et en large. C'est en forme de bec de colle, comme une chose de colle. OK. Pas un beau son, ça, du tout. Hein, non, du tout. Non, à la chaîne V, à la TV Vision, là. Il y a une émission qui s'appelle Attaque à 5. C'est l'ancien 110% qui a changé de nom. Et puis, ils ont eu des problèmes de son récemment. J'étais sur le blog du Pornographe, l'émission de sport à Radio-Canada. Et puis, ils ont posté ça. Puis, je trouvais ça cocasse. Ça me tente de l'écouter un petit peu. Petit problème de son. Tu sais, donc, ça s'est passé lundi. Donc, c'était quoi? Hier, ça, pendant une pause publicitaire. Vers les, on me dit ici, vers 22h50. D'accord? Donc, on voit un petit V. Puis là, ça dit, Yonessa, s'il vous plaît. Là, ça, c'est JC Lajoie, c'est le gars qui a, entre autres, piqué un bout de livre dans son émission de radio, dans une émission de radio à c'est quoi, Chorus Sport, je crois, qui fait ses chroniques, quelque chose du genre. Donc, le gars, en tout cas, récemment, il avait volé un bout de livre dans sa chronique, il en avait parlé, puis c'était comme la couverture arrière d'un livre qu'il avait lu, mais il disait que c'était lui qui avait inventé ça, en tout cas. Okay. Bref, il y a toute une controverse avec lui. Donc, lui, il est encore chroniqueur à l'émission Attaque à 5 avril, donc là, ça dit, honnêtement, s'il vous plaît, là, JC Lajoie dit... bâtard, m'ont remplacé le mot par bâtard. Hein? Mettez donc une reprise de Call TV à la place de faire un instant, s'il vous plaît. Au moins, là, on va pouvoir dire au monde que la bataille a pogné en studio. C'est les gars qui disent ça. Là, le régisseur dit, on a le son. Vos gueules, les boys. Tu t'entends ça à TV pendant que ça dit un instant, s'il vous plaît, à l'écran. Là, vers 22h53, un petit peu plus tard, encore un problème. Un instant, s'il vous plaît. Là, on passe une reprise de... Un monde bête, bête, bête! Ah, yes! Pendant quelques minutes, là, l'émission commence, c'est ce qu'on entend. Là, vers 23h, 10 minutes plus tard, l'attaque à 5 recommence. Alors, avec un grand plan. Comme vous avez pu le constater, constater, on a eu quelques petits pépins techniques. C'est pas parce que Jean-Charles et Tony ont laissé tomber les gants, non. C'est pas pour ça. Ça, ils l'ont su parce que Jean-Charles est encore vivant. Oh! OK. Messieurs! Ça a mal été, disons, à ce moment-là. C'était pas le meilleur moment de télévision. Ça, allez voir la vidéo que j'ai postée sur assemblagerequis.com. C'est plus beau avec des images et tout ça, on comprend mieux. Mais bref, gros problème de son sans cesse. C'est un petit peu débutant pour une chaîne comme V qui essaie d'avoir l'air professionnelle et qui l'est parce que les décors sont valent cher, les gens qui ont engagé valent cher. Mais des fois, tu sais, les problèmes, ça arrive à tout le monde. Mm-hmm. C'est vraiment un cauchemar, ça, pour une équipe technique là, de télévision. Là. Ça doit être leur pire appréhension. Là. Ça doit être la chose qu'ils redoutent le plus. Surtout dans ce genre d'émission-là, justement, où tu peux... Tu sais, il y a certains types d'émissions où s'il arrive un pépin comme ça puis que plus personne est en onde, tu sais, il se dira pas autant de niaiseries que si tu as 5-6 gars comme eux autres qui sont probablement un peu chauds d'air. Moi, je les soupçonne toujours d'avoir quelques, ouais. quelques consommations. Donc, tu sais, c'est pas mal la pire émission où ça pouvait arriver pour justement entendre des choses qu'on n'est pas supposé entendre à télé. Ouais. Mais tu sais, on t'enseigne en télévision, tu sais, que si tu as un micro sur toi, fais comme s'il était toujours allumé. C'est ça. Parce que tout ce que tu dis peut se revirer contre toi. Bref, ici, c'était pas si pire que ça, mais bon. C'est pour ça que nous, ici, on prend jamais de chance. Pendant les pièces, on se dit pas un seul mot. Vraiment. Donc, comme ça, on est sûr qu'il arrive jamais rien. C'est vrai? Comme maintenant. Non, mais là, on est en nombre, Mathieu. Donc... On est en nombre? Commence pas ta blague. Moi, je te montrais ça sur Internet comme si, je veux dire, je pensais pas qu'on était à moi, je te montrais ça, je dis sinon, j'aurais pas laissé jouer ça. Évident. Oui, c'est clair. Fin de la scène. Bon. On fait notre petit salut de scène. De toujours Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. On continue avec un autre beau petit bloc musical qui commence avec un petit peu de Hot Springs. Hot Springs, on va écouter la pièce Head Rush. Head Rush. Tout de suite. These clouds. Assemblage Ruki et CIFU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Je prends Bazoulov de Champoing. C'est la pièce qui n'est pas sur le palmarès. En fait, celle qui l'est, c'est vu que t'es là. Mais on varie un peu. Ouais, c'est ça. Celle-là, en fait, cette pièce-là se retrouve sur un autre palmarès. Je sais pas comment le décrire. Alternatif. Ouais, c'est ça. Celui de Bande à part. Puis c'est même un palmarès interactif, en fait, de Bande à part. Donc, c'est les internautes qui ont voté pour cette pièce-là majoritairement. C'est numéro 1 cette semaine. Bazoulov de Champoing. Cool! Mmh. Toujours... Ce me fait penser à quelque chose que j'ai envie de te faire entendre, Kiwan. Ben, vas-y. Ben oui, parce que tu sais comment j'aime les Muppets? Oui. Ben, je sais pas si tu le savais, je te l'apprends. Ben, mon... je viens de l'apprendre. Mon cher. Non, j'aime beaucoup les Muppets, je les trouve super drôles, Elmo, et tout son groupe incroyable de Muppets, juste toutes les marionnettes, là. Peu importe qui viennent de Sesame Street ou de whatever. Ok, ça, c'est vraiment les marionnettes en général. C'est ça, okay. Je suis un fan. Bon. Et puis, les comme Muppets. Comme le petit bas de Henry Dice, par exemple, tu l'aimais beaucoup, c'est ça? Ça, tu vois, Henry Dice, je suis un petit peu moins fan. Je m'en doute un peu. Moins fan. Bref, l'éditeur de ce projet-là, qui en fait que je vais vous faire entendre, là, l'extrait de Jason Beerfield. Hein, c'est un nouveau, nouvelle vidéo des Muppets avec 70 marionnettes. Et tu vas certainement reconnaître la chanson. Je crois. J'ose espérer. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. Comment, Kiwan? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, j'écoute attentivement. Ouais, c'est ça, ben avec la chanson juste tout seul, c'est un petit peu plate, là, mais avec les marionnettes derrière. C'est Bohemian Rhapsody. Exactement. Donc, ça dit dans l'article que j'ai trouvé ici, qu'on peut aller voir sur youtube.com/Muppet Studio pour voir plus de trucs avec les Muppets et pas nécessairement des trucs commerciaux. Donc, ça, c'est vraiment, ils ont juste fait ça en niaiserie, là, apparemment. Donc, juste pour le fun. Bohemian Rhapsody avec les Muppets. C'est quand même une belle production. C'est budget là-dedans, je sais pas, mais quand même, vraiment. Et on les voit tous. Il y en a, comme je disais, plus de 70. Donc, allez voir la vidéo. Même Miss Piggy est là-dedans sur assemblagerequis.com dans le lien de l'émission d'aujourd'hui, lundi 24 novembre. Toujours aussi coquine. Ouh. J'ai même sexy. Et parlant de trucs qui se passent sur Internet et que les gens se partagent et se désopilent en les regardant, allez voir, en fait pas allez voir, restez avec nous parce que tantôt, il va y avoir une chronique CNX. Ça va être le tour du net, donc le message est passé. Oui, c'est dans quelques minutes, juste le temps qu'on a écouté une petite pièce. Ben, moi, que tu veux qu'on continue d'écouter la... Non, ça va, je pense. Non, c'est comme tu veux. Pour rendre en sketch, c'était Kermit qui parlait d'ailleurs. Kermit! Voici So Light is Her Footfall, The Air. Ah, assemblage requis. Alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone

Oui, qui va être diffusé lundi prochain, lundi matin à 10h. C'est animé par toi, Mathieu Plante. C'est diffusé ici à C'est fou. Donc, toutes les chroniques de la semaine rassemblées en une seule. Animé par Mathieu Plante avec un featuring de Kiwan, comme toujours. Oui, ben oui, c'est vrai. T'es quand même là dans cette émission-là. J'avais pas pensé. Hein. Pas payé pour penser, toi. Mm-hmm. Vous êtes toujours assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. La raison qu'il n'y aura pas de chronique CNX demain, c'est qu'on va avoir un paquet de contenu super divertissant. On vous en reparlera tantôt. On en fera peut-être jouer des artistes qui vont être avec nous demain. Oui, c'est ça, parce qu'on a beaucoup de visites demain. Donc, c'est pour ça qu'on a une émission très chargée. Et on en reparlera. Oui, c'est ça, on va en reparler. Pour tout de suite, on va écouter quelque chose qui n'a pas rapport avec demain du tout. Donc, Mathieu, vidons le moment présent un peu, là, puis on va aller écouter la pièce... For once, du groupe Fellowship. Tu sais que je vis dans le futur, Kiwan. Ouais, c'est vrai. J'avais oublié. Je fais visite du futur pour te renseigner sur des événements qui arrivent. Fellowship à Assemblage Requis. De Fellowship à Assemblage Requis. Et on vous parlait tout à l'heure de l'émission de demain qui va être chargée. Oui, grosse émission du mercredi, ça. Oui, il va y avoir, entre autres, on va recevoir la visite du groupe Naïve, qui est un groupe qui n'est pas très connu, même ici sur les ondes de C'est fou. En fait, on le découvre un peu ces temps-ci. Et puis, on va vous en faire jouer un extrait d'ailleurs tantôt. Vous allez pouvoir avoir vous-même une idée de ce que fait Naïve. Et en même temps, ben, vous allez pouvoir les entendre de vive voix demain ici dans l'émission. On vous en reparle d'ailleurs un petit peu après. On va écouter une pièce de Naïve, on vous en reparle après. Mais pour tout de suite, on va aller écouter Fred Fortin, parce que lui, ça fait déjà quelques jours qu'on vous l'annonce. Il va être en entrevue téléphonique demain ici dans l'émission pour le spectacle qu'il va donner samedi prochain le 28 à l'Embuscade à Trois-Rivières. Donc on va l'écouter tout de suite avec sa pièce du palmarès de C'est fou, de Laurent. Assemblage requis.

Naïve avec Écho à Assemblage Requis. Oui, donc c'est ça, Naïve, qu'on va recevoir demain. Naïve qui ont été découverts un peu avec le concours L'Omium du Rock. Je ne sais pas si tu connais ça, ce genre de concours entre Montréal et Québec, un genre de compétition entre les groupes des deux villes. Okay. Donc, ils représentaient Montréal, ils se sont fait connaître un peu à cause de ça. Puis, ben, c'est ça, on signe un contrat de disque. Ça a l'air assez gros. Leur truc, c'est en même temps, c'est un son quand même assez populaire. Facile d'accès. Là. C'est ça, donc c'est un groupe qui va sûrement avoir pas mal de succès, mais c'est quand même bien fait, on trouve que c'est bien fait. Donc Demain à l'émission, il va être avec nous. On va aussi recevoir Fred Pellerin qu'on a entendu juste avant, donc soyez là demain. Mais c'est Fred Fortin, Fred en fait. Fred Fortin, Fred Fortin, tout le monde sait ça, là. Fred Pellerin a lancé un album aujourd'hui, mais il sera pas à l'émission demain. Non, Fred Fortin. Fred Fortin va être là. L'erreur est tellement facile à faire. Facile. Et deuxième heure avec Simon Fitzbay et Émilie Gauthier. Donc, on va parler de mythes du rock'n'roll et de plein air. Soyez là, ça s'en vient. Oui. Il y a Émilie Gauthier. Il y a Simon Fitzbay. Gauthier. Fitzbay. C'est pas Fitzbay ou Fitzday, là. Oui. Oui. Assemblage Requis et C'est Fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Bonjour, vous êtes toujours à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et Mathieu. Oui, vous êtes encore avec nous pour au moins un bon 55 minutes. À peu près, là. Environ, là, on vous épargne les secondes. Dans la deuxième heure de l'émission, on va recevoir Simon Fitzbay avec sa chronique Paul is Dead, comme à chaque mardi. C'est sur les mythes du rock'n'roll. Et aujourd'hui, on parle de Aleister Crowley, homme énigmatique et des sciences occultes. Oui, il va même être dans quelques minutes. C'est vraiment tout de suite après la pièce qu'on va entendre tout de suite. On va écouter Band of Skulls avec Fires. Et Simon s'en vient après. Ouais, après ça, il n'y a rien. On arrête après ça. Fini. On arrête. Ça va être du genre de grichage, comme... Ou peut-être qu'on jouera du Radio-Canada. Voici de nouveau Michel Desautels. Salut, Michel Desautels. On l'aime, Michel Desautels, mais c'est pas ce que vous écoutez en ce moment-là. Non. Vous écoutez Assemblage Requis. Au 89.1 FM.

dis que tu vas réussir à me faire sortir dehors un jour. Un jour peut-être, j'essaierai. Moi j'ai gagé contre ça. Fait que... Ben, on va essayer. On va essayer. Qu'est-ce qu'il y a, Kiwan? Qu'est-ce que tu me regardes, drôle? Est-ce que t'entends, Émilie? J'entends tout, moi. Ouais, ok. Moi j'entends bien. Allô? Est-ce que tu t'entends toi-même? Pas en tout, même pas. Du tout. Ben, Colin, c'est moi qui dois être fucké à quelque part, hein? Hein? Non, tout est correct sur le... Non. Ok. Tout est beau. Bon. Tout est beau. Voilà. Okay. Tout est correct, sérieusement. En tout cas, moi, je me fie sur ce que j'entends. Émilie! Bonjour. Quelqu'un défoncera la porte pour nous avertir que ça fonctionne pas. Parfait. Donc, Émilie, on parle de plein de choses aussi. Aujourd'hui, c'est un genre de ramassis de différents sujets. Ben, il faut, parce qu'il n'y a plus rien d'ouvert. Donc, j'essaie de ramasser des petites choses qui pourraient être intéressantes pour tout le monde. Donc, on commence avec quoi? Ben, premièrement, j'ai reçu un message du comité plein air de l'université. Je pense que c'est tout le monde qui l'a reçu. C'est une conférence qui est intitulée « L'éco-développement institutionnel de l'intention à l'action ». Il y a même un point d'exclamation à la fin, donc ça a l'air vraiment c'est important. C'est vraiment l'action, là. Puis c'est ça, dans le fond, c'est demain, le 25 novembre à midi, à l'amphithéâtre du nouveau pavillon de la santé. Il y a un dîner offert gratuitement. C'est une bonne occasion en plus de visiter ce nouveau pavillon-là dont on parle depuis tellement longtemps qu'on est tanné d'entendre parler. T'sais. Voilà. Donc, je ne savais même pas qu'il était ouvert. Mais le v'là! Voilà. C'est le conférencier Robert Lidzer. Il est récipiendaire de nombreuses distinctions au niveau québécois et canadien pour son engagement en faveur de l'éducation relative à l'environnement. Donc, c'est aussi un membre fondateur de l'organisation internationale Planète Air. Il faut souligner le petit jeu de mots ici. Planète Air. Voilà. Je pense que ça a l'air intéressant. Si vous vous souciez un petit peu de l'environnement, ça peut être... une petite conférence intéressante et nourriture gratuite. C'est toujours attirant. Voilà. Tu sais que ça me gagne à chaque fois quand tu parles de Oui, je sais, c'est pour ça que j'insiste. Bon, donc première activité, premier endroit à visiter, c'est la réserve phonique Mastigouche. J'ai tellement vu que tu avais aimé ce mot-là la semaine passée, je me suis dit, il faut que je parle de la réserve. Mathieu, il aime trop ça, je vais en parler. Comment ne pas aimer ça, Mastigouche? Je trouvais que c'était rigolo. Ça ouais. commence comme c'est... mastiquer, puis ça lui fait penser à manger. Ah, ça doit être ça! Mastigouche, gouche comme bouche aussi. C'est ça, voilà. C'est à tout pour te plaire. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis contre ça, mais bon. Il y a de la chasse qui est ouverte ces temps-ci. La chasse à l'orignal, à l'ours et au petit gibier. Donc, ceux qui aiment la chasse, mais je n'en parlerai pas plus parce que c'est ça. Je t'appuie là-dedans. Voilà. C'est libre à eux. Donc, tu ne nous donneras pas tes conseils pour décapiter un ours? Non, je vais garder ça pour moi. OK. C'est bon? Sinon, il y a 40 km de randonnée pédestre. On peut faire des visites, des pique-niques, observer la faune. Puis il y a 266 km de pistes de vélo de montagne. On peut faire tout en même temps, si on veut. Si vous voulez. Cool. Marcher à côté de votre bicycle, additionner kilomètres randonnée pédestre et vélo de montagne, vous avez encore plus de kilomètres. Petite barre Mars. Je dirais même une puis un autre, la 260 km de randonnée. Ça met toi une caisse de barre Mars. C'est ça. Bon. Ça a l'air, c'est très beau. Il y a beaucoup de petites rivières, de lacs. Il y a beaucoup d'animaux aussi. Il y a des orignaux, des ours noirs, castors, lièvres. Je continue, il y en a beaucoup. Donc... Des huards. Oui, des pièces. Des pièces. On peut devenir riche juste en allant là-bas. Voilà. Cool. C'est à Saint-Alexis-des-Monts. C'est environ une heure de Trois-Rivières. Pour plus d'informations, vous rendez sur le site de la CEPAC, qui est www.cepac.com. La CEPAC étant la Société des établissements de plein air du Québec. Voilà. Oui. Donc, on rappelle, ça s'appelle la réserve phonique Mastigouche. Je pense qu'on l'a assez dit. Je pense que ça va faire. Voilà. Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre, maintenant. C'est une petite découverte que j'ai faite sur Facebook. Ils ont une page Facebook. Tout est sur Facebook, de toute façon. Tout est sur Facebook. Si vous voulez aller les rajouter, ils sont là. C'est merveilleux. Ça fait partie d'un écosystème terrestre. C'est merveilleux. Je déparle tellement que c'est beau. C'est un milieu naturel dont 90% du territoire est demeuré à l'état sauvage. Ça abrite près de 300 espèces d'animaux. Puis c'est le dernier bassin d'eau douce du Saint-Laurent. Puis donc... je pense que c'est assez quelque chose de particulier que je savais pas qu'il y avait dans le coin. C'est au lac Saint-Pierre. C'est environ une heure d'ici. Donc, je pense que c'est pas vraiment loin pour... En fait, le lac en tant que tel est vraiment moins loin que ça. Là. C'est accessible à peu ouais, près c'est ça, mais il y a plusieurs minutes, points ouais. d'entrée. C'est qui est vraiment long, le lac. Là, donc, ouais. Mais la réserve est environ okay. une heure d'ici. C'est ça. J'ai vu des photos. Ça a l'air assez particulier. Je trouvais que ça ressemblait un peu à une tourbière, mais c'est vraiment... Il y a des forêts, c'est ça. C'est 90% d'un territoire qui n'a jamais été touché par l'homme, donc je pense que ça peut être intéressant d'aller... Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied! Voilà! Comme on dit! Donc ça, si on veut plus d'informations sur la biosphère Lac-Saint-Pierre, c'est biosphère-lac-st-pierre.kik.ca. Ou taper sur Google RMBLSP. C'est la réserve mondiale. Trop compliqué. Allez sur assemblagerequis.com, cliquez sur l'émission d'aujourd'hui. C'est plus simple, je pense. C'est plus simple, oui. Ouais. Sinon, moi, j'ai même une autre suggestion concernant le lac Saint-Pierre, encore plus simple que ça, qui justement est accessible de n'importe où. Là. Il est tout près d'ici. Si vous voulez juste aller sur le lac Saint-Pierre, je sais qu'il y a une chose qui est très le fun l'hiver, c'est d'aller faire de la raquette sur le lac Saint-Pierre. Ah. On se sent comme si on était dans le Grand Nord parce que tu peux aller quand même loin. Presque au large, là, parce que le lac est vraiment large. Tu peux te rendre quand même loin puis être pris comme sur un grand espace de glace. C'est vraiment le fun. Tu peux faire comme Jésus, marcher sur l'eau. Pareil. C'est littéralement ça. Littéralement. Vraiment. C'est ça. Parce que dans le fond de la glace, on sait tous que c'est de l'eau congelée. Froide. Bon. Ensuite, parc des chutes de la rivière Bostonnais. C'est pas une sorte de beigne, comme on a appris tantôt. Non, ben non. C'est Boston. Je m'excuse, Mathieu. Je pensais encore faire allusion de la nourriture pour toi, mais tu t'en es rendu compte avant. Dommage. Déception totale de ma part. Déception. Mais tu vas quand même aimer ça. Ça a l'air beau, là. OK. Je pense que tu aimais ça. Parlement. C'est un site panoramique qui contient des chutes parmi les plus hautes au Québec. Ce sont d'environ 115 pieds, ce qui est quand même... J'ai pris une traduction pour toi, 35 mètres, étant donné qu'on a de la misère avec nos hectares la semaine passée. Les deux me disent rien du tout. Je me suis dit, je vais mettre 35 mètres ou 115 pieds, le monde va finir par comprendre. Parle-moi en termes de... D'hectares, oui. Non, je sais pas. Je sais pas. Non. Parle-moi en termes de bras ou de pieds. Je vais continuer. OK. J'ai des pieds. Pas 115 pieds. Pour moi, c'est pas des vrais pieds. Parce que c'est pas la longueur de mes pieds. Ben pieds, là, mets-toi, tu fais 6 pieds. Fait que là, fais 115 2, divisé par 6, tu vas savoir c'est combien de Mathieu de haut. OK, je suis perdu. Continue à la place. Ça va. Il y a des sentiers d'interprétation dans la forêt. Il y a un centre d'interprétation de la nature, des aires de pique-nique. Quelque chose de nouveau depuis cette année, une tour d'observation de 20 mètres où on peut apercevoir la rivière Saint-Maurice. Puis tout au long de l'ascension de la tour, il y a des panneaux d'interprétation qui racontent un peu l'économie, l'histoire, les loisirs reliés à la rivière Saint-Maurice. Puis ça fait aussi connaître les différentes espèces de poissons qui vivent dans le cours d'eau de la rivière Saint-Maurice. Cool! Donc, les activités qu'on peut faire là, c'est des sites, des attraits gratuits qui sont à l'année. On peut faire de la randonnée pédestre, nature plein air, belvédère. C'est situé, par exemple, dans le secteur de la Tuque, fait que c'est un petit peu plus loin, mais c'est pas à l'autre bout, là. C'est pas rendu au Saguenay non plus. Là. C'est environ 2 heures, là. Mais c'est un petit peu plus loin. Un petit peu, à peine. Combien de mètres plus loin? Beaucoup. Je sais pas. Je me perds trop facilement dans les longueurs, moi, ça n'a aucun sens. Ça. Ouais. Mais bon. Mais faut que tu te convertisses en Mathieu, je te le dis, ça marche. Je te le dis, moi, okay. Je calcule tout en moi, là, ça fonctionne. Un jour, un peu comme Raël, on va créer la mesure à mon nom de notre religion. Ça va être super bon. Donc, c'est le parc des chutes de la rivière, de la petite rivière Bostonnais. Voilà. Pas de site web pour ça? Non, j'ai ramassé un petit peu l'information sur Bonjour Québec, puis Tourisme Mauricie. D'accord. Très en bon fait, site, d'ailleurs. Pour se rendre, là, c'est super simple là, pour se rendre à la chute. C'est à l'entrée, c'est avant la tuque. Quand vous arrivez à la tuque, c'est la première chose que vous voyez. C'est juste avant l'entrée. C'est à côté simple. Des mitaines. C'est juste à côté des mitaines. Tu rentres, tu mets tes bas, tu barres la porte. Ensuite, tu enlèves tes mitaines, il y a la tuque et il y a la chute. Super. Ça m'a comme pris du temps à la comprendre, en plus. Vraiment, hein? Bon. J'aime ça de même, des fois. OK, donc ça, c'est tout pour les activités principales de cette semaine. Oui. La semaine prochaine, de quoi la semaine prochaine, ben là, je suis un petit peu désespérée de chercher des endroits. Fait que la semaine prochaine, j'ai décidé que j'allais vous parler de comment bien choisir votre équipement de raquette et de ski de fond. Ah, c'est comme une version longue de tes petits conseils de vendeuse dans un magasin. Ouais, ben là, je vais vous donner un peu les conseils de qu'est-ce que vous devez rechercher dans votre équipement selon votre niveau. Ça va être, je vais vous organiser quelque chose de bon, je pense. J'ai aucun doute là-dessus, moi. As-tu des doutes là-dessus? Non. Bon. Tout le monde est content, alors. Voilà. Merci, Émilie Gauthier. Ben, ça fait plaisir. Émilie qui découvre avec nous des endroits où faire du plein air, sortir à l'extérieur, enfiler différents équipements et... Oui, puis en terminant, j'avais une dernière chose à ajouter. J'en ai parlé la semaine passée, Mathieu, je sais pas si tu t'en souviens, mais ce soir, à la salle Anaïs Allard Rousseau à Trois-Rivières ici. C'est le festival, c'est la tournée en fait du festival de films Voyage et Aventure. Donc c'est un festival qui a eu lieu à Montréal il y a quelques semaines, mois, puis en tout cas il est en tournée, puis c'est la dernière date, le dernier endroit de la tournée ce soir, c'est ici à Trois-Rivières. Donc c'est une conférence sur le voyage d'aventure. Puis c'est suivi après ça de projections de films d'aventure pendant environ 4 heures. Ça commence à 7 heures. C'est à la salle Anaïs Allard Rousseau. Ça finit à 23 heures. Donc, conférence et court-métrage. Ça coûte 18$. Et c'est ce soir. Parfait. Bien dit. Donc, on retrouve Émilie Gauthier la semaine prochaine, mardi, pour une autre chronique plein air. Oui. Et on se quitte avec une pièce de ton choix, de ton cru, tu l'as pas faite quand même. T'as pas tout le crédit non plus. Non, mais là, je me gâte. Mais on va à Twilight à soir, je vous en donne un petit peu, mais c'est pour le premier film. Mais gâtez-vous quand même. On sait qu'on aime, nous, la trame sonore pour vrai de Twilight. Dit sans aucun sarcasme, ouais, on le répète tout le temps. On veut juste séparer les choses, ouais. Le film, la trame sonore. Exact. Les choses différentes. L'un est écoutable. Devinez lequel. quand même, là. On écoute Black Ghost. Avec la pièce Full Moon. When the full bush turns white, that's when I'll come home. I'm going out to see what I can show. Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. les incendiaires et la pièce incendie dans Assemblage requis. Oui, c'est presque ce qui termine l'émission. Oui, presque, mais avant ça, on a quand même quelques petites affaires à dire. Quelque chose à rappeler. Quelque au singulier. Ah, OK. Sans le S. Donc, on parle d'Amélie Gagnon, le quartet qui est en spectacle aujourd'hui, ce soir, mardi à 21h au Gambrinus. Donc, Amélie Gagnon, quartet, nouveau visage de la relève musicale trifluvienne, prépare l'enregistrement de son premier démo et vous invite à son spectacle de financement ce soir. C'est la gagnante du premier prix à écouter en spectacle l'an dernier. Elle revient avec la complicité de ses trois musiciens. Ils disent « Chaque membre du groupe a des influences différentes, c'est ce qui rend leur musique éclectique. » Éclectique, oui. Que ce soit du funk, du jazz, du rock, du blues, etc. Toutes ces couleurs se marient avec leurs chansons. Le groupe est formé de François Potvin à la basse, Julie Morin au piano et au violoncelle et Jean-François Veilleux à la batterie. Amélie Gagnon Quartet sera accompagnée ce soir, le 24 novembre, de Simon Rivrain, guitariste soliste. Le spectacle va permettre au groupe d'amasser 5$ par billet vendu. Ils sont vendus 7$ en vue de l'enregistrement de leur premier démo qui va se faire avec la collaboration des étudiants en sonorisation du cégep de Drummondville. Parfait, donc c'est ce soir au Gambrinus. Soyez-y, à 21h, Amélie Gagnon Quartet. C'est tout. C'est comme ça que se termine l'émission d'Assemblage requis aujourd'hui. Il va y avoir une autre émission, bien sûr, demain, à partir de 15h. Exactement. Moi, je reste ici avec la dernière porte à gauche. Ça s'en vient dans quelques minutes. Je suis allé chercher pas mal de vieux trucs aujourd'hui, là, jusqu'à une dizaine d'années en arrière. Et puis... Ouais, pas énormément de nouveautés, de trucs récents aujourd'hui. Ça va être assez old school comme émission. C'est la dernière porte à gauche dans quelques minutes à peine. Demain, l'émission va recevoir Sébastien Dulude pour sa chronique sur les sorties culturelles alternatives, comme à chaque mercredi. Demain, on reçoit aussi Fred Fortin en entrevue téléphonique et le groupe Naïve vont être ici avec nous en studio. En direct avec nous. Donc, soyez là demain à 15h pour une autre édition d'Assemblage requis. Bonne émission, Kiwan. Merci, bonne soirée Mathieu. Bonne soirée à vous tous. Bye. On se quitte avec Twilight Galaxy de Matrix qui est sur le palmarès anglophone. Bye. Talking to, they're not talking.